Au retour du premier soleil, à l'aube d'un matin de printemps, on va tirer de leur sommeil les belles aux bois dormants. Et à ce jeu-là, on gagne une bague au doigt. Quand on aime, on ne choisit pas. On suit les chemins du cœur. C'est toujours l'amour qui fait la loi. Cet enfant qui demain va naître, on dit ce sera un garçon. Un garçon ou cette fille peut-être, que personne n'attend, mais qui mettra dans nos cœurs le même bonheur. On suit les chemins du cœur. C'est toujours l'amour qui fait la loi. Quand les arbres sont en fleurs, quand on aime, on ne choisit pas.